quand ça commence. Ça commence comme ça. Puis ça devient tout de suite une sérénade. Mais le chat, oh, le chat est toujours là. Comme un cabaret d'avant-guerre à Belgrade. Et lentement, ça monte à la tête, comme un volcan à la napolitaine. Et tant pis si les paroles sont bêtes, moi j'adore ma chanson italienne. Quand ça raconte n'importe quoi. Le pain, le vin et le fils maudit. Le train du sud vers la Vita Nova. Mon cœur malade, noyé au large de Capri. Et la maman morte dans sa cuisine pour avoir trop fait les pâtes à la napolitaine. Et tant pis si tout le pays tombe en ruine. Moi j'adore ma chanson italienne. Ma chanson italienne qui vient du fond d'un cuore. Ti voglio bene, ti voglio bene a Venise, la tour de Pise sous la lune. Ouvre-moi la porte, sono fuori. Donne-moi à manger, je te parlerai d'amour. Quand ça s'arrête, c'est comme à la Scala. Il y a toujours de la place pour un autre refrain. Mais moi, je m'en fous. J'aime bien l'opéra, surtout quand il y a toi assise près de moi, la main dans la main. Et puis on rentre, j'ouvre le Chianti et tu fais les nouilles. Et on fait l'amour, oui, on fait l'amour à la napolitaine. Et on se gèle les...